Alex Vizorek, puisque vous êtes seul, c'est à vous que je laisse la parole. Bonjour Laetitia Gaillet, comment bonjour. Allez-vous ? Bonjour, c'est vendredi. C'est vendredi. Je sais que l'actualité ne s'arrête pas, mais moi je fais une pause. C'est pas faux, et puis l'actualité ne nous a pas aidé à nous reposer cette semaine, donc allez-y, revenez quand vous le sentez. Et puis nous, on va faire une petite émission qu'on a préparée évidemment avec la plus grande minutie, surtout que le chef n'était pas là. Salut Juliette ! Alors, Charline m'a fait toutes ses recommandations. Ah, n'importe quoi. Premièrement, tout le monde doit être gentil avec moi. Mais comme d'habitude, on t'aime beaucoup, Juliette. Bah oui, évidemment. Justement, merci, bisous. Deuxièmement, du fond, du contenu et mollo sur les brèves. Attends, ça me fait comme quand la prof de latin, elle était absente au collège, là, au moment où t'es trop content, il y a toujours le proviseur qui arrive et qui dit « Ouais, en fait, c'est bon, monsieur Piprof, le prof de sciences physiques, assure le remplacement. » T'es dégoûté. C'est bon, je peux finir, il y a un troisièmement. Non, pas troisièmement. Si on reçoit Paul Devendre, vous savez, les hommes qui viennent de Mars, le spectacle pour que les hommes et les femmes communiquent mieux. Donc, on va déjà commencer par mieux communiquer entre nous à l'intérieur de l'équipe. Oh, bonne nouvelle. Ah ouais, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, très bien. Qui a quelque chose à dire ? Moi, je pense que les hommes de cette équipe sont des feignasses. Et qu'Alex, il comprend que dalle à la psyché féminine. Alors, ça, très bien. Et moi, je pense que les filles de cette équipe. Filles ? Oui. Donc, Charline ? Oui. On en est là, donc ? Oui. On tape sur les absents ? Classe, élégance. Tellement pas d'Artagnan, le mec. Tellement pas Georges Clooney. Et tellement pas Sean Connery. C'est vrai que c'est assez minable, Alex. Franchement, mesure tes propos, parce que je te jure, c'est... Guillaume ? Quoi ? Mais toi aussi, tu viens de Mars, tu dois me défendre, abruti. Non, mais moi, je préfère être dans le camp de ceux qui gagnent à la fin. Alors bon, j'ai choisi plutôt Vénus. C'est super, tout le monde est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais comme t'es tout seul sur ta planète, je te conseille de négocier. Donc, comme tout le monde est d'accord, on se met au boulot, hop. Allez, on y va. Alex, va chercher des cafés. Bah, tu parles 50 contre 1 qui crachent dedans, ça c'est un truc de gens qui viennent de Mars. Meurice, c'est toi le crachat, tu es un crachat. Moi je suis un crachat. Les gens de Mars, ils ont vraiment un problème de vocabulaire. C'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Saturne et ça me fera des vacances. Allez, ça y est, il est parti, le lâche de Mars. Qui est-ce qui va acheter des cafés maintenant? Toi. Comment ça, moi? Mais non, moi je suis comme vous, moi je suis Vénus, quoi. Pareil, on est pareil. Non, plus maintenant. Putain, mais Alex, il avait vraiment raison, ne jamais faire confiance aux gens de Vénus. Alex, attends-moi, il reste de la place sur Saturne. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les dépravés de la Terre qui parfois pour défier l'au-delà s'installent en terrasse pour boire la boisson du diable, le diabolomante. Vous écoutez l'émission qui touille l'information avec des glaçons et une rondelle de citron et voici les trois actualités qui vont être ingurgitées jusque 18h. Dans l'esprit des Français, le Belge a successivement été un con, un gars super, un pédophile, un type hyper hype et maintenant un djihadiste. Va-t-on vers la naissance d'un racisme franco-belge? Mais Serge, le racisme anti-belge, c'est has-been. Aujourd'hui, le belge, il est partout. Aujourd'hui, le belge, c'est chic. Le belge, c'est chic. Si tu as peur, j'annule tout. C'est ce que pensent bon nombre de touristes. Ils annulent leur venue dans la plus belle ville du monde. Et pourtant, à Paris, les serveurs des bistrots les attendent. Bah dis donc, je te ferai boire et tu refouilles, t'es pas poli. Je dirais même que t'es grossier. Si monsieur me cherche, il va me trouver. Il pourrait même bien prendre une claque dans sa gueule, monsieur. Mais venez, d'après une étude américaine, les hommes mangeraient plus en compagnie de femmes pour les impressionner. Les gars ont envie de pécho, mais gare à l'indigestion. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Et pour m'accompagner, celle qui a déjà entendu parler de ce diabolomante, mais qui n'en a jamais consommé à titre personnel, c'est Juliette Arnaud. Bonjour. Bonjour Alex. Et... autour de la table. Pour clore cette semaine compliquée, une équipe complexe à 17h20... Thomas VDB, spécialiste musical, humoriste et artiste capillaire. Thomas, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, j'ai décidé qu'on allait lutter à ma façon contre Daesh aujourd'hui. Ah, eh ben, c'est ça, super. Enfin. Mais en actualisique. Bien sûr. Mélange de lutte contre Daesh et d'actualisique. Voilà, c'est magnifique. À 17h30, Guillaume Meurice, génie du micro-trottoir et qui nous démontre jour après jour que la mauvaise foi a des vertus hallucinogènes. Guillaume. Bonjour Juliette, bonjour Alex. Oh. Alors moi, je me suis rendu au grand rassemblement des petits actionnaires au Palais des Congrès. Il y avait plein de gens pour nous aider à mieux comprendre les cours de la bourse. Des sciences de la signalétique physique des signaux, mais il n'y a rien d'algorithmique là-dedans. Voilà, ça me paraissait important de faire la précision, parce que souvent, Alex, je vous entends dire « Oui, mais c'est algorithmique !» Et ben non, pas du tout. Voilà. À 17h40, Isabelle Sorrente, qui vient de Vénus, mais pour autant, on partage avec André Manoukian, qui vient de Mars, la même passion honnête et désintéressée pour la brièveté et la clarté. Isabelle. Oui, très cher. Eh bien, je vais vous parler en temps réel. Je vais lutter en temps réel contre Daesh tout à l'heure. que de la lutte. C'est formidable. Et surtout qu'à 17h55, nous aurons le plaisir, l'heure et l'avantage d'avoir Frédéric Fromet qui ne vient ni de Mars ni de Vénus, mais tout simplement de la planète musique. Tout oui, moi aussi j'ai honte. C'était très bien. Et pour nous accompagner, évidemment, il y a toujours un dépravé du royaume avec nous qui est venu faire le fou de la République. Vous êtes né sous Baudouin Ier. En 1987, vous créez une compagnie aérienne à Liège. C'est l'année où l'Eurovision se déroule à Bruxelles, car l'année d'avant, nous avions gagné avec... Avec Sandra Kim, que tout le monde connaît en Belgique, mais personne ailleurs. En 1996, vous assistez à une conférence de John Gray. J'ai cru écouter Sandra Kim, ça vaut le coup. Ouais. J'aime la vie, c'est le moment de le dire. John Gray aux États-Unis, l'auteur de Mars et Vénus. C'est l'année des Jeux Olympiques d'été à Atlanta. En 2006, vous écrivez et interprétez la pièce « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». C'est l'année où la sonde Vénus Express a réussi son insertion en orbite autour de Vénus, mais a priori, il n'y a pas de lien. Un signe aussi quand même. Vous êtes votre nom. Paul Devant. Mais c'est lui et nous on est en terrasse. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Paul Devendre qui vient pour son second spectacle, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus 2, au théâtre du gymnase Maribel, à partir de ce soir. Ce soir, à 19h. Très bien, dépêchez-vous après. Vous y serez, il n'y a pas de souci. Moto-taxi, un matin. Très bien. Et jusqu'au 9 janvier, on peut donc passer l'année avec vous. Exactement. Alors, moi, Paul, je suis un peu ennuyé parce que j'avais moi tout compris aux femmes dans le premier, donc je ne voyais pas bien. Qu'est-ce que vous voyez ? Je ne voyais pas bien. Qu'est-ce que vous pouviez ajouter dans le second ? Mais c'est pour les hommes un peu moins parfaits que vous. Ah. Il y en a qui doivent encore réviser, plus lent, moins rapide à la détente. Mais vous avez constaté qu'il y avait une demande. Et surtout, il y a beaucoup de femmes qui doivent en comprendre un petit peu mieux les hommes aussi, évidemment. C'est pour ça qu'il faut faire des numéros. Mais c'est quelle facette qui s'ajoute à celle du premier? Alors, qui était donc, c'est comme tous les cours, il y a toujours un niveau 1. Et puis il y a un niveau de maîtrise. Et donc, il y a plein de nouvelles idées. Il y a quelques idées que je reprends du premier parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu le premier, ça existait. Et donc, j'ai des petites piqûres de rappel. Et puis, il y a plein de thèmes que j'aborde. Notamment, j'élargis aussi à la relation parent-enfant. Donc, parce que peut-être qu'un jour, vous allez en avoir, Alex. Et c'est quelle planète, les enfants déjà... C'est loin, c'est Pluton, ça, non ? C'est loin. Très loin, oui. C'est très agaçant. J'ai une question à vous poser, comme c'est le 2. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas appelé ça « Les hommes reviennent de Mars » On hésitait, on a essayé de trouver. Mais alors, moi, j'aime les bien... hommes vivent sur Terre, quand j'aime même. J'aime bien dire que vous êtes l'humoriste moins connu que son spectacle. Parce que c'est vrai que vous avez rempli plus de salles que nous tous autour de la table réunie. Et en fait, on ne vous connaît pas, on connaît votre thématique. Mm-hmm. Est-ce que cette fois-ci, vous parlez un peu plus de vous ? Je parle un petit peu plus de moi. J'aborde les petites disputes au quotidien, notamment en parlant d'une petite dispute que j'ai eue avec un de mes enfants et avec Corinne et tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça a pu évoquer ? Ma femme Corinne, que tout le monde connaît, évidemment. Oui, voilà. On l'a salue. Nous, on l'appelle Coco, entre manières. Et donc, non, c'est... Mais l'idée du spectacle, c'est vraiment, c'est pas spécialement de mettre en avant moi, c'est avant tout que les gens puissent parler entre eux de ce qu'ils ont vécu pendant le spectacle et donc qui papotent entre eux. Et ce qui est très mignon, c'est de voir les coups de coude que les gens se donnent, les petits bisous, les mains qui se rapprochent et tout ça. Parce qu'au fur et à mesure du spectacle, les gens se comprennent un petit peu mieux. Il y a une partouze à la fin, comment ça se fait ? Ça se termine pas mal. Mais alors, on parle de sexe à la fin, évidemment. Est-ce que les gens, ils viennent de manière thérapeutique ou ils viennent pour rire ou pour dire ah bah tu vois ? Ah tu vois, souvent. Alors il y a tout. Mais notamment le DVD du premier. Quelques thérapeutes m'ont dit qu'ils utilisaient le DVD comme outil, donc ils le donnent à leurs patients et puis on en parle ensuite après. Mais c'est avant tout un spectacle, c'est d'abord pour rire, c'est d'abord pour passer un bon moment, pour un peu mieux se comprendre, mais c'est surtout pour vraiment pas passer une bonne soirée en comprenant un peu les travers des uns et des autres. C'est assez drôle, mais c'est jamais moqueur. Donc c'est pas l'idée de taper sur les hommes ou taper sur les femmes, c'est juste vraiment d'avoir le dictionnaire du couple, en fait, de comprendre un peu, de décoder ces deux langages. Et comment on fait quand on est un couple homosexuel? Ah, j'allais poser la même question. J'entends bien, mais enfin, si on vient de Vénus, on est deux à venir de Vénus. Les hommes viennent de Mars. Non, parce que l'idée toujours, c'est qu'on a en soi un côté masculin et un côté féminin. Donc, c'est pas tellement les hommes et les femmes au cours et à mesure du spectacle, j'en parle. C'est que c'est bien plus, sont des côtés masculins et féminins qu'on a, ces deux langages différents qu'on a chacun en soi. À certains moments de la journée, d'ailleurs, on est plutôt parfois l'un, parfois l'autre. Et donc, c'est dans cette complémentarité de ces logiques masculines et féminines qu'on peut trouver son équilibre. Et donc, les couples homosexuels se retrouvent aussi parce parce que c'est les mêmes enjeux, qu'il y en a un qui a envie de parler de ses problèmes, l'autre qui n'a pas trop envie d'en parler. C'est toujours le quotidien est assez similaire en fait. Donc les pôles se ressemblent, qu'importe le couple. Exactement. Bravo Alex. Alex, c'est un vendredi soir en plus. Avec Paul Devendre pour Les Hommes viennent de Mars, Les Femmes viennent de Vénus 2 au théâtre Gymnase Marie-Belle jusqu'au 9 janvier à partir de ce soir et qui répond donc à la question mais pourquoi les femmes ne comprennent pas l'être si simple qu'est l'homme. Général, mais finalement doué pour très peu de choses. Et je m'exerce ce soir à vouloir croire en quelque chose. Je m'obstine sans faire de choix, le cul entre deux chaises. Doutant, mais sans doute trop sûr de moi, je nage dans la paresse, sans palme. Et tu vas. En général, mais finalement doué pour très peu de choses. Et je m'exerce ce soir à vouloir croire en quelque chose. Voilà, mon choix est fait. Je décide de plonger dans cette vodka au risque de me noyer, dépourvu de palmes et de tuba. Sur France Inter, on écoutait Synapson avec le titre bien nommé Dope. Et vous dire que, comme sur les autres chansons, l'auteur touche autant que le compositeur. Et il y en a un qui fait une bonne affaire dans ce cas-ci. Nous sommes avec Paul Devendre. C'est le dealer. Qui est là pour Les Hommes viennent de Mars, Les Femmes viennent de Vénus 2. Donc, progresser, c'est au théâtre du Gymnase Marie-Belle jusqu'au 9 janvier. Et je suis avec Juliette Arnaud et autour de la table. Il y a Isabelle Sorrent, Thomas VDB, Guillaume Meurice. Et tout à l'heure, Frédéric Fromet. Wow. Frédéric Fromet est en train d'accorder sa guitare. Et Paul, nous sommes dans une émission d'information. Donc, ça vous aurait échappé. Donc, bien. La grosse information, ça passe par un journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence par les titres. Claude Bartolone a eu un fou rire à l'Assemblée. Mais c'est quoi l'info ? Bah, il y a deux infos. Claude Bartolone a ri et quelqu'un a ri à l'Assemblée. Ah oui, c'est OK. États-Unis, un parc d'attractions aura pour thème la Bible. On attend beaucoup de la rivière magique où les gens pourront essayer de marcher dessus. Et il y aura des brèves parce que vous me l'avez imposé. Et on commence par cette attaque, toujours en cours à Bamako, au Mali. Oui, et BFM TV est sur le coup. L'un de ses journalistes, il y a quelques minutes, quelques heures, a déclaré en direct « Il y a trois morts, dont un blanc ». Et nous avons, nous aussi, notre envoyé spécial sur place, Guillaume Meurice. Est-ce que vous confirmez ces informations ? Non, pas du tout, Alex. Moi, de mon côté, j'ai trois morts, dont un de pointure 43. Oui. Alors que mon collègue d'ITélé a une autre info, lui. Il y aurait trois morts, dont un qui a mangé un sandwich poulet mayo à midi. Oui. Ce qui n'est pas confirmé toutefois par LCI qui dénombre trois morts dont un a possédé un hamster dans sa jeunesse. Tout à fait. Bien, merci Guillaume pour ces informations qu'on tentera de recouper. Passons à l'Assemblée nationale. Oui, car on dit qu'il est difficile de rire depuis vendredi dernier pour nous et bien sûr c'est le cas également pour les politiques qui sont des hommes. Mais parfois on craque et l'envie de rire revient. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre ? Il n'est pas adopté, je vous signale mes chers camarades. Le lapsus. Mais c'est un joli nom, camarade. Mes chers collègues et compagnons. Mais dis donc, Claude Barthelot, c'est l'éclate. Je vous signale que je lèverai la séance à la fin de l'examen du texte. Donc. Voilà. C'est extrêmement amusant, c'est donc. C'est extrêmement drôle, chers auditeurs. Donc, si vous voulez rire, ben, fermez la radio et filez sur LCP, la chaîne parlementaire. On s'y éclate. Passons à cette information. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, on peut lire ce titre. Le Pen réclame les lingots de Janis. Oui, Jean-Marie Le Pen s'indigne car lors d'une perquisition, les enquêteurs sont partis avec un coffre contenant des lingots d'or appartenant à Janis Le Pen. Moi, ça me touche qu'à leur âge, ils s'intéressent encore aux petits trésors de sa femme. C'est pas faux. Passons aux attentats avec des informations qui nous viennent petit à petit sur le fameux cerveau belge Abdelhamid Abaoud. Oui, son père regrette qu'il n'ait pas été capturé vivant. Bah, je comprends, hein, le gars a envie de lui mettre enfin sa première bonne torgnole. Abdelhamid Abaoud, toujours, il aurait été aperçu le soir des attentats dans le métro parisien. Oui, on imagine un petit peu son trajet, il a dû rentrer rue des Boulets et heureusement, il a fini à Invalides. États-Unis avec Holy Land. Oui, le parc d'attractions dont le thème est la Bible et dont le slogan est « Attendez-vous à être inspiré ». Tu m'étonnes. Oui, et cela suscite évidemment pas mal d'interrogations. Est-ce que le manège de Sodome et Gomorre va nous donner plus ou moins de sensations que Space Mountain ? Est-ce que Abel Équin et Moïse sont meilleurs en parade que Tic et Tac ? Ou encore, est-ce que la crucifixion fait une meilleure attraction que le super méga giga roller coaster ? Culture à présent. L'un des plus grands pianistes du monde est en ce moment en tournée française, le chinois Lang Lang. C'est son nom ? Oui, je l'adore. En tout cas, si vous le croisez, ne lui roulez pas de pelle. Et... Non. Si, non, on avait dit un jeu d'eau. Si, c'est autorisé. On me fait signe que non. On termine par une brève. Je vous laisse lire le titre, Juliette. Un pilote offre une hôtesse aux passagers pour s'excuser du retard. Wow. Et oui, c'est un vol low cost qui avait tenu une compagnie aérienne. C'est un vol low cost et l'affaire a été révélée par un passager choqué d'entendre des gémissements douteux venant du cockpit via les haut-parleurs de la salle des passagers. En fait, le copilote a annoncé au micro en plaisantant qu'il offrait une hôtesse divorcée aux passagers pour compenser le reste du vol. Vous voyez, on dit beaucoup de mal des compagnies low cost. Voilà, vous ne faisiez pas ça vous à l'époque, Paul. Non, mais c'est vrai, j'aurais dû. Ah bah oui, c'est un bon argument marketing. Sachant que les femmes ne sont pas des marchandises, bien non, sûr. Non, bien sûr, bien entendu. Ah bah oui, il faut qu'elles soient consentantes, évidemment. Ça doit être très, très excitant. Si nous l'avons mentionné, c'était pour le dénoncer. Je l'avais bien entendu aussi. Premier sujet, bienvenue au Belgistan. C'est comme ça que le Figaro nous a présenté. Alors peut-être que vous ne connaissez pas ce pays. C'est juste au-dessus de l'État France-Lamique. C'est par là. En gros, les Belges sont vexés, les Français sont fâchés. On est foutu. Non, c'est pas moi qui suis con, c'est ton frère. C'est même un gros conte belge comme j'ai rarement vu. Parle pas de lui comme ça, s'il te plaît. Mais c'est la vérité, c'est ce qu'il est, hein. C'est un gros conte belge. En fait, t'es aussi raciste que lui. Pas du tout, mais c'est cette situation qui me rend dingue. Je te jure, il y a des moments, j'en peux plus. Ouais, pourquoi on reste ensemble si t'en peux plus ? Il y a des fois, je me pose la question. Mais je te déteste. Attends, Louise. Ne me touche pas ! Ça va pas, non ? Ben voilà, tiens, tu ressembles à ton frère, là. On voit que t'as été élevé dans la même famille de bons Belges. Tu sais ce qu'ils disent, les bons Belges ? Ben oui, que c'est des gros cons. Paul de Vos. C'est bien résumé. Bon, l'absence de Charline fait que nous sommes en minorité. Mais quand même, on va un petit peu. On va essayer de se défendre un petit peu. Vous êtes belge, vous habitez en France. Ouais. Comment vous avez ressenti ? C'est parce que c'est vrai que depuis une petite semaine, on parle beaucoup de notre pays et peut-être pas dans des termes qui nous amusent beaucoup. Non, tout à fait. Comment vous l'avez vécu et est-ce qu'on fait des remarques ? À l'annonce de la mort d'Abaoud, je me suis dit qu'on était en train de dépeupler la Belgique. C'est pas faux. Vous le connaissiez pas personnellement. Pas personnellement, il faut le dire, non. Hein. Le quartier de Molenbeek n'était pas le quartier le plus huppé non plus dans lequel vous avez peut-être vécu. On le connaît, on le connaît. Mais est-ce que vous avez été surpris parce que évidemment les Français découvrent ce nom. Ouais. Est-ce que nous, en tant que Belges, Molenbeek d'ailleurs, hein, il faudrait apprendre aux Français à le prononcer correctement. On c'est essaie. Pas Molenbeek, c'est Molenbeek. Et voilà. Il réglait déjà les problèmes qu'il y a là-bas. Après, vous nous apprendrez à le prononcer. Sont gonflés les Belges. Non mais. C'est on connaît à parler et puis après on va voir. C'est un peu ça. Il a pas tort Guillaume parce que le Belge s'est vexé, genre oui comme quoi on s'occupe pas de ce qui se passe chez nous machin. Et le Belge a eu un réflexe un petit peu français. Il a été chauvin. Donc avant de vouloir s'excuser pour ce qui se passait et de dire on va quand même un petit peu regarder dans le dessous, je vais quand même un petit peu critiquer nos amis français qui disent du mal de nous. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti? Je fais des questions à la Charline. Je mets la réponse dedans. Ouais, exactement comme ça Alex. Donc j'ai ressenti quand même une petite frustration que les Français attaquent les Belges alors qu'ils auraient pu regarder un petit peu chez eux d'abord. Mais c'est ça, parce que, parce que vous êtes plutôt du côté de Liège, vous aimez cette ville, et là aussi... Oui. Il y avait Verviers. Voilà. Ouais, il y a deux centres... Est-ce que, parce que par exemple moi en tant que Bruxellois, Verviers, j'ai découvert que c'était... Non mais je connaissais la ville, mais je veux dire, j'ai découvert qu'il y avait des choses qui s'y passaient. Est-ce que vous en tant que Liégeois, c'était de notoriété, comme pour nous Bruxellois, à Molenbeek c'est notoriété? Non, Verviers n'était pas aussi connu que Molenbeek du temps où j'habitais Liège, mais c'était il y a 20 ans déjà, donc ça date un petit peu. Depuis, j'ai déménagé, j'ai émigré vers le sud de la France. Le sud, où on vous a charrié un petit peu parce que... Où on m'a charrié, non, pas trop, non, non. On le disait Il y avait beaucoup de compassion l'heure. Et tout ça, plutôt, on était plutôt toujours dans la compassion plutôt que dans... C'est ce que disait également l'ambassadeur de Belgique ce matin, il disait qu'effectivement les Français étaient plutôt... c'est la presse qui facilitait presse qui en disant Belgistan. Voilà. Ouais, mais l'actualité nous a offert régulièrement des étiquettes, nous avons eu les pédophiles... Voilà, non, les Français sont persuadés qu'on n'a pas de gouvernement toujours. Ouais. Et donc là, nous passons à. Nous sommes des djihadistes. On attend la suite avec impatience. Est-ce que ça passe? Qu'on parle ou de soi. Est-ce que ça va nous coller au basque? Qu'on parle de soi en bien ou en mal, c'est toujours bien de parler de soi, de quelqu'un, on dit. Je pense que ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une vraie évolution par rapport à la mentalité belge, par rapport à Coluche, notamment, où on trouvait vraiment que les Belges étaient des gros idiots. Mais maintenant, il y a plein de gens, justement, comme vous, Alex, comme Le Chat, comme Philippe Gueluc, comme Poulvort, comme François Lambrouille, et tout ça, qui ont, je crois, changé durablement la réputation des Belges. Et donc, je pense qu'on est, on peut en rire un petit peu de tout ça. Cela. On est plutôt, voilà. On va plutôt retenir les bons côtés belges, le chocolat et toutes les belles choses qu'on peut avoir en Belgique. Et bien, surtout qu'on va retenir cela parce que les autres, la lutte contre Daesh continue, parce que Thomas VDE a s'en occuper, il nous l'a promis dans le jeu jingle. Enfin, absolument. Enfin. En jingle ou pas? Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, normalement, c'est l'actualisique. Mais cette semaine, je vais faire un truc particulier. Comme aux actualités, c'était très limité. Il n'y avait qu'un seul sujet. Je vais donc plutôt faire une page d'actualité. Et cette page d'actualité, je m'en vais vous la chanter. Et oui, quand on fait des chroniques, les semaines, disons qu'ils sont un peu galères. Il faut bien se débrouiller. C'était une semaine quelque peu pénible. À cause de Di, à cause de Dou, à cause de Dalilou Daesh. À cause de Di, à cause de Da, à cause de Daesh. Oh là là. D'ailleurs, ce week-end, après les attentats, j'ai marqué sur Twitter que j'avais même pas peur. Et après, je suis allé me recueillir. Place de la République, c'était émouvant. Les gens faisaient une drôle de gueule, un peu comme si tout le monde s'était fait larguer par texto genre 2 heures avant. Mais tout à coup, il y a eu un mouvement de foule. Tout le monde a paniqué et compréhensiblement, tout le monde a couru dans tous les sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle quand je suis rentré, je suis retourné sur Twitter et j'ai enlevé mes papeurs. Parce qu'en vrai, on flippe tous de la réponse à la réponse en Irak et aussi de la réponse à la réponse à la réponse en Irak et aussi de la réponse à la réponse à la réponse à la réponse s'en ira. Enfin vous, je sais pas, mais moi oui énormément. J'aurais quand même passé une meilleure journée hier si Manuel Valls n'avait pas mis l'adjectif bactériologique au milieu d'une de ses phrases. Ça pose une ambiance, quelqu'un qui te dit le mot bactériologique au milieu d'une conversation. Cette semaine, on était tous ronchons à cause de D, à cause de Dou, à cause de Daddy Dou Daesh. À cause de D, à cause de Da, à cause de Daesh, oh là là. Vous avez remarqué, je fais une chanson joyeuse avec un côté Broadway un peu festif pour donner un côté américain, new-yorkais, cabaret, Paris, les Folies Bergères, un je ne sais quoi. Même si en réalité j'ai perdu des copains dans cette histoire et j'ai bien les grosses boules à mon cul. Donc tous ensemble on va s'aimer et pour lutter contre la barbarie de Daesh on va continuer aller en terrasse, même si là on est fin novembre. Alors je propose qu'on attende encore un peu, parce qu'on se calme bien les miches. À cause de D, à cause de Dou, à cause de Daddy Dou Daesh. À cause de D, à cause de Da, à cause de Daesh, oh là là. On pourra pas dire que je l'ai pas fait. Record de jingle, et j'espère qu'il n'y a pas de chronique derrière. Il n'y a pas de chronique. Pour Paul, qui est un peu surpris, en général, je m'excuse auprès de tous les auditeurs. Voilà. Que j'ai mis en colère, qui sont là, mais va-t-il se taire? Il commence par un jingle et s'arrête et fait une chronique. Et ici, le jingle, voilà, l'a pris parce que peut-être vous n'aviez pas envie de chroniquer parce que l'actualité s'y prêtait pas. Vous avez mille fois raison. Et il faut sortir. Et voilà, il faut aller voir les spectacles. Et ce soir, France Inter fait une émission. Je dis, il faut aller voir les spectacles, mais il y a une belle émission sur France Inter donc ce soir. Ne bougez pas, décidez-vous. Une émission Allons Enfants du Bataclan. Ils vont parler avec Rebecca Manzoni et Didier Varro. Et nous, toute la journée, toutes les heures, on passe un live au Bataclan. Et chez nous, c'est Acha. No, no, no, no. Love is fire on the mountain. And nobody seems to be on the run. Oh, there is fire. And no one is around. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? Tomorrow is the day you go to war. Boy, you

Parce qu'on prend nos aises, on est à l'aise. On est plus à l'aise dans un château. Le mec est honnête. Bah, c'est vrai. Bah oui, je comprends même pas les sans-abri qui vivent sur un carton. Monter une entreprise et acheter un château comme siège social, vous serez vachement mieux, les amis. Voilà, ça, c'est un conseil concret d'investissement. Il y avait également une petite mamie qui, elle aussi, avait tout compris à comment gérer son argent. Pourquoi elle était là? Parce que moi, je vais dans tous les salons où je suis, où c'est gratuit. Ah, c'est vrai? Oui. À partir du moment où j'ai une invitation gratuite, eh bien, je vais voir. Et là, qu'est-ce que vous pensez trouver? Ben, des informations, hein. Ne serait-ce que ça, déjà, j'ai les valeurs actuelles. Alors là, vous allez lire Valeurs Actuelles? Ben, oui, bien sûr. Et oui, parce qu'il y avait effectivement un endroit où Valeurs Actuelles distribuait gratuitement ses numéros. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement été attiré par cet endroit. Sûrement avais-je en moi le désir secret d'entendre pourquoi le lectorat de cette charmante revue était sur place. Et je n'ai pas été déçu. Je cherchais à échapper à ma femme et aux Arabes. Ça vous va comme excuse? Quand je suis dehors, quand je suis dedans, c'est ma femme qui me surveille. Quand je suis dehors, c'est les Arabes. Alors depuis, je me méfie. Alors ici, je suis tranquille. Il n'y a que des hommes de quinquagénaire blanc et hétérosexuel. Alors, il n'y a pas de problème. Ici, je suis tranquille. Voilà. Tout ça pour vous dire que si la connerie était cotée en bourse, j'ai croisé ce matin pas mal de milliardaires potentiels. Est-ce qu'on peut parler de décomplexion? Alors là, on était totalement décomplexé. Et j'ai envie d'inviter cette petite mamie dans le studio. Parce que comme elle vient que c'est gratuit, elle est mieux chez nous qu'à Valeurs Actuelles. Voilà. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. Et on passe au sujet 2. Les touristes ne veulent plus venir à Paris, ils n'ont plus le cœur ou ça les angoisse. Bref, les hôtels, les trains, les avions, les magasins, les restaurants se plaignent et sont inquiets. En tout cas, la France veut vous recevoir pour vous montrer ses meilleures facettes, amis touristes. Il suffit pour vous de vous rendre au guichet de l'Office du tourisme. Non, mais vous avez pas compris. Parce pour que là, l'office d'indemnisation, vu que là, il est 15h55 et qu'il ferme dans 5 minutes et que demain, c'est férié et qu'après-demain, c'est le pont et qu'après, c'est le week-end et que lundi, c'est la grève, le mieux serait d'y aller mardi matin. Ah, c'est tout quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ils ne sont pas rapides. Voilà, la procédure devrait prendre entre 4 et 5 ans. Voilà, mais on vous aime, amis français. Et nous, on est à Paris. Vous êtes à Paris, Paul Demande. Vous n'avez pas pensé une demi-seconde à annuler, j'imagine. Mais non. Quand vous êtes venu, vous avez constaté aussi en prenant le train, en vous baladant dans les rues, qu'effectivement, il y avait peut-être un petit peu moins de monde. Un petit peu moins de monde. Une petite chape. Pas vraiment de plomb, mais quand même une ambiance un peu plus moins festive. On a tendance, nous, à dire sortez, allez-y, vivez normalement. Mais en vrai, faites bien ce que vous voulez. Voilà, évidemment. Oui. Mais on comprend aussi ces réactions. Vous regardez, un petit peu plus ou pas du tout? Est-ce que vous observez un petit peu plus les choses? Non, moi, non. Objectivement, quand Thomas on a commencé quand même plus chanter, de chance. Non, c'est pas le malin quand même. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Mais il y a 5000 morts sur la route, sur les routes par an. On peut prendre un avion avec un. Ah mais moi j'ai peur en avion. En avion aussi. Voilà, on peut avoir peur partout. L'avion, je voulais y revenir parce qu'on parle évidemment des conséquences économiques. Mm-hmm. Vous aviez monté une compagnie. Moi, j'avais monté une compagnie aérienne. Ouais. Il y a une vingtaine d'années et en 91, en janvier 91, il y a eu la crise du Golfe. Merci. Mais ça, c'est du temps de Saddam Hussein. Et donc, ça a créé un impact très, très important dans le transport aérien. Pendant 6 mois, là, il n'y a plus personne qui a pris l'avion. Vous étiez trop jeune, pour vous en souvenir. Mais oui, là. Mais ça a été un impact très, très important, oui. Et ça a amené à la mise en liquidation de la société. On n'a pas survécu. Un peu grâce à Saddam Hussein, vous êtes sur scène. Voilà, merci Saddam. Merci. Merci Georges. Et merci tout le monde, oui. Mais qu'est-ce que doivent faire ces entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'il faut peut-être, est-ce que c'est le moment pour licencier? Non, ce que je voulais dire, mais oui, si c'est ça que vous voulez répondre, vous pouvez répondre ça. Non. Mais est-ce que c'est le moment aussi pour louer une chambre au Ritz aujourd'hui? Moi, je pense que c'est les meilleures affaires à faire pour le moment. Je crois que c'est vraiment le meilleur moment de partir, de venir, de sortir, d'aller voir. On est vraiment en train de parler des vertus du djihad là ou pas? Non, c'est pas ça. Mais je veux dire. Non, mais je pense que c'est important de profiter. Les entreprises sont prêtes et on a envie. Il y aura moins de monde. Il y a moins de monde et tout ça. On est mieux servi. Les gens sont super contents de vous voir, de vous accueillir et tout. Donc la qualité de service est sûrement meilleure et tout. Donc je crois qu'il y a plein de raisons. Et on le dit, vous faites 50% sur tous les gens qui se présentent. Qu'au 9 janvier. Non, c'est vrai. Non, nous, on va le redire. Non, allez-y. Il faut vraiment, à mon avis, oui, c'est super important. Mais souvent, on le voit dans toutes les crises, ça dure une semaine et puis après, petit à petit, ça. ça reprend, j'espère que. Je suis sûr que ça va reprendre. On a Paris. Tous envie de vivre, d'être joyeux et tout. J'ai joué à Beyrouth il y a 15 jours. Les gens sortent beaucoup. Ah oui, et vous tout cherchez ça. Un peu la merde. Oui, j'ai pas vu. Ah non. Il sera à Islamabad la semaine prochaine. Mais justement, j'allais à Bamako la semaine prochaine. Regardez bien, la tournée de Paul de Vendry, n'y allait pas. Une semaine avant. Une semaine avant. Non, c'était l'attentat, lieu mardi. J'ai joué dimanche, samedi et dimanche à Beyrouth. Et puis donc. Mais ah oui, non, vraiment, vous. Oui, non, tout à fait. Non, c'est tout à fait vrai. Mais il y a une envie. Sauf que les Libanais, ils l'ont intégré. Intégré, on le vit, c'est ça, ils le vivent, ils sortent et nous, tout. C'est plus difficile, c'est ça. C'est un apprentissage peut-être à voir. J'espère qu'on ne devra pas trop l'avoir, quand même, cet apprentissage, et qu'on pourra vivre en paix, en sécurité. Adoucir les mœurs avec la belle voix d'Isabelle Sorrent. Merci, Alex. Je vais donc vous parler. Ça me détrompe jamais quand vous me dites que c'est merci, Alex. Je vais vous parler du temps réel. Donc, quelle réalité cache le temps dit réel. Le temps réel, c'est l'absence de délai entre l'arrivée d'une information et sa diffusion. C'est un temps de transparence, un temps d'instantanéité, on voit tout tout de suite et c'est aussi un temps de communion. Nous sommes tous en train de consulter les mêmes informations au même moment. Le temps réel implique, comme c'est le cas depuis vendredi dernier, une transparence et une mobilisation générale. Le temps réel est celui de la transparence et de la mobilisation. On est tous ensemble au courant de tout, on regarde tous la même chose au même moment et nous savons que les autres la regardent aussi. Et pourtant, malgré sa force d'attraction, le temps réel ne décrit qu'un fragment de la réalité. Tout simplement parce que notre liberté, notre humanité, consiste précisément à voyager dans le temps. Alors, il n'y a pas de science-fiction là-dedans, hein, c'est juste une vérité. Nous évoluons dans plusieurs dimensions temporelles en même temps. D'abord, nous pensons, hein, nous écoutons en permanence cette petite boîte bavarde qui nous balance un monologue plus ou moins drôle du genre « ras-le-bol de Daesh, hein, fatigué, mal dormi, j'ai peur ». Or, ces pensées, ce sont des mots, des phrases, nous les entendons, donc les pensées filent à la vitesse du son. Et puis, il y a les images, celles de nos rêves, celles qui nous passent par la tête dans la journée, qui, elles, se déplacent à la vitesse de la lumière. Nous fantasmons à la vitesse de la lumière. Donc, notre esprit joue toujours sur deux vitesses, celle du son et celle de la lumière, les pensées et les fantasmes. Et puis, il y a notre cœur, qui bat lentement. 70 pulsations à la minute, c'est tout le problème d'ailleurs de concilier la vitesse de la pensée hein, sur Mars et celle du cœur si lente sur Vénus. Et puis il y a le sang qui tourne dans le bon sens ou dans le mauvais, lentement lui aussi, 5 litres par minute. Au fond, le temps très réel, plus que réel, le temps surréel, c'est celui du corps. Le temps, c'est du sang et de la lumière. Et pour être plus précis encore, on pourrait dire que le temps, c'est les autres. Le temps, c'est toujours, toujours notre rapport aux autres. Dis-moi combien de temps tu as et je te dirai qui tu es. Le court terme, qu'est-ce que c'est? Sinon, le temps de l'égoïsme. Sans faire de morale, hein, le court terme, c'est moi. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? J'espère que cette nuit, je vais mieux dormir qu'hier. J'espère que le métro ne sera pas retardé tout à l'heure. Moi. Voilà le court terme. Le moyen terme, c'est le cercle qui s'élargit aux proches. Ce sont les études de nos enfants, la fatigue de nos parents, la sexualité, les anniversaires à souhaiter, voilà le moyen terme. Et le long terme, c'est le cercle qui s'élargit de proche en proche. C'est le cercle qui s'élargit jusqu'aux inconnus. Les inconnus qui vivent loin et ceux qui vivront dans 100 ans, ceux qui hériteront du ciel, du sol et du sous-sol de notre inconscient collectif. Alors, est-ce que le long terme est moins réel que le temps réel? Est-ce que l'inconnu est moins réel que le connu? On pourrait dire que le terrorisme est aussi une tentative de sidération par le temps réel. Le terrorisme est d'abord un crime en temps réel. C'est pour ça qu'il s'en prend au lieu où le temps est libre. Et nous pouvons lui opposer cette liberté fondamentale, parce qu'elle est indissociable du corps et de l'esprit humain, cette liberté fondamentale de voyager dans le temps et de garder notre présence d'esprit tout en rêvant au lendemain, parce qu'au fond, nous sommes libres jusqu'à la moelle. Eh bien, dites donc, quand vous parlez du temps, vous êtes même dedans. Pour une fois. On ne le voit pas passer. Et en plus, on ne le voit pas passer. Merci beaucoup, Isabelle. Et chacun a fait la chronique en exprimant un petit peu à sa façon son ressenti. Et c'était émouvant des deux côtés, je vous dirais. Voilà. Non, je m'en remets parce qu'on va évidemment. Thomas, c'est pas fait exprès. Ben, si, ça m'a ému la façon dont il a fait. Donc voilà, je trouve que chacun dans cette équipe, nous avons tous été ensemble lundi. Au fur et à mesure de la semaine, chacun a parlé comme il en voulait. Alors il faut, pour détendre l'atmosphère, on peut quand même, entre Mars et Vénus, une des différences qu'on peut noter, mesdames, il faut que vous sachiez que parfois un homme peut ne penser à rien. Et parfois, voilà, une femme peut penser à tout. À plat, tout. Parce que ça s'inverse, voilà, évidemment. D'où la complémentarité. Oui. C'est vrai que les femmes ne se rendent pas compte qu'on peut ne penser à rien, parce qu'elles, ça, c'est difficile à faire pour elles. Et donc, souvent, elles disent, mais à quoi tu penses? Et l'homme répond à rien. Elle se dit, mais non, c'est quoi le problème? Dis-moi ce qui ne va pas. Il y a un problème. Non, non. On ne vous ment pas. Eh bien, on va continuer à parler. Si, vous nous mentez. Non, non, non. Vous ne croyez pas là-dessus. Pas à ce moment-là. Troisième sujet. L'homme est prêt à tout pour impressionner les femmes. Il tient à montrer sa supériorité. Alors, certes, il y a la muscu, il y a le portefeuille, mais aussi le coup de fourchette. Ah oui, oui, ça on en parlera. Le coup de fourchette qui devrait le conduire éventuellement au coude. Et voilà. Une étude prouve que les hommes mangent plus s'il y a des femmes à table. Alors, petit conseil de pro, impressionnez-les dès la commande. Monsieur Desjeunes. Pas dans les questions, oui. Qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Ah, bah vous allez me mettre des paupiettes en ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet, au lieu des paupiettes. Hein? Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein? On prendrait bien un petit dessert. Ouais. Donc, vous avez des tartelettes? Oui. Eh bien, tout de suite après le fromage, je voudrais bien volontiers. Et alors après, bah, une petite bricole, ce que vous avez, quoi. Crème renversée ou une petite glace. Hein? Oui. Allez, mon petit, allez. Donc voilà, je vous explique l'étude. En fait, les hommes mangent plus s'il y a des femmes à leur table. C'est aux États-Unis, ils ont fait le test. Alors, ils avaient le choix entre des salades et des pizzas. Quand il n'y a pas de femmes, ils mangent normalement. Et quand il y a des femmes, ils mangent. Voilà, surtout, c'est ça. Plus 86% de salades. Et s'ils prennent de la pizza, parce que c'est encore plus quand c'est de la nourriture un peu grasse, 93% de pizza. C'est-à-dire qu'ils doivent manger sans doute deux pizzas qu'une femme à peu près. Est-ce que ça vous a surpris cette étude? Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, un homme mange plus sainement parce qu'il a peur de manger trop de pizza. Moi, c'est comme ça que je le lis. C'est qu'il a peur de manger de la pizza devant sa femme. Mais quand donc, il en mange plus. Mais sinon, il va avoir tendance à manger des aliments plus sains. Parce qu'en fait, il a assez peur de ce qu'elle va voir. Mais sinon aussi, ben, beaucoup d'hommes peuvent avoir un peu peur de leur relation, comment ça va se passer. Si c'est un premier rendez-vous, tout ça, il peut se contrôler. Mais sinon, après, il peut se lâcher un petit peu. Il se dit, ben non, moi, je m'en fous, hop, je mange. Ça serait pas un peu comme les animaux, vous savez, les animaux qui, tout à coup, les mâles qui se gonflent. Vous montrez comme ils sont grands, comme ils sont forts. Voilà, et donc le fait de manger beaucoup, c'est une espèce de promesse sensuelle. Est-ce que c'est sensuel? Oui. Est-ce que c'est sensuel de manger beaucoup? Non, je ne sais pas. Les poignées d'amour. Est-ce que c'est... Mais c'est vrai qu'il y a une étude qui montre aujourd'hui que les hommes avec un petit peu d'embonpoint sont relativement plus attirants que les corps musclés, abdominaux et tout ça. C'est une étude pertinente. J'espère. J'y crois le plus fort. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ces études-là, alors certes, ça fait aussi vous l'utilisez, mais qui se pose la question de dire on va mettre un chercheur au fond d'un resto et on va voir combien il bouffe quand il y a une femme à table? Vendeur de pizza? Est-ce que c'est vous qui êtes un peu tordu? Parce que le monsieur Gray qui a fait ça, sans doute qu'il a envoyé certains chercheurs faire ce genre d'études. Il a surtout récolté les études qui avaient été faites auparavant. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une certaine imagination pour être chercheur. Vous le défendez, c'est pas fou du tout. Et j'ai l'autre étude, je vous laisse commenter en deux secondes. Sur la sexualité. Faire l'amour une fois par semaine suffirait à être heureux. Des deux côtés de Mars et Vénus. Il faut réduire, Alex. Oui. Vous êtes bien gentil. C'est la solidarité patriotique. Merci, Paul. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les hommes et les femmes, eh bien, c'est à partir de ce soir au gymnase Maribel et jusqu'au 9 janvier avec Paul Devendre en professeur. Derrière vous, s'est installé un homme en... C'est pas s'il est plus de Mars, plus de Vénus, mais peut-être probablement de Jupiter, de Saturne, de tout en même temps. Parce que c'est Frédéric Fromet. On sait jamais d'où il vient et on sait jamais où il va. Bonjour, Frédéric Fromet. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier parce que cette semaine, vous étiez le co-auteur sur pas mal de blagues pendant les journaux et pendant les sketchs. Alors merci, et maintenant vous avez écrit votre chanson. Voilà, donc comme nous avons plus que jamais besoin de douceur, de tendresse, de légèreté, je vais commettre l'impensable. Je vais publiquement déclarer mon amour pour les forces de l'ordre. J'aime les flics de chez Cazeneuve. J'aime les flics au Bataclan. J'aime les flics quand les coups pleuvent. J'aime les flics au restaurant. J'aime les flics sur les terrasses. J'aime les flics dans les bistrots. C'est un peu leur maison. J'aime les flics quand ils tabassent. J'aime les flics tout simplement parce qu'ils sont fortiches, les flics de mon pays. Quand ils mitraillent, aïe aïe, quand ils mitraillent. Oui, qu'ils sont fortiches, les flics de mon pays. quand il mitraille, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'est une chanson d'Enrico Matraque. Avec les flics, j'ai un succès fou. Le raid, ça c'est vraiment chou. Une prise d'otage pour un rendez-vous. Tous les matons et les flics de mon âge se promènent dans la rue suspicieux. Tous les matons et les flics de mon âge savent bien ce que c'est d'être courageux. Et les yeux dans les yeux et la main dans la main, ils s'en vont ouvrir le feu sur tous les gros vilains. Oh les flics qui nous sauvent la peau. Oh les flics, moi je les aime trop. J'aurais jamais cru dire, enfin, devoir dire un truc pareil. Ça fait mal. C'était chouette, les flics du Bataclan. Pan, pan, pan. C'était chouette pour flinguer les méchants. Pan, pan, pan. C'était chouette, les flics à Saint-Denis. Pan, pan, pan. C'était chouette pour flinguer les abrutis. Attention. À tous les flics que j'ai détestés avant, qui sont devenus nos sauveurs maintenant. À vous tous, même les brels, même votre chien diesel, sachez que je vous aime vraiment. Oh, merci. Oh, merci. Eh ben écoutez, ça termine cette semaine difficile et douloureuse. Merci, et si vous voulez la terminer encore mieux, dimanche, Frédéric sera au Mathurin à 17h en concert. Allez au spectacle, on l'a avec dit. Avec Guillaume Meurice. Avec Guillaume Meurice en vedette américaine. Mais oui. Paul Demandre, lui, est à partir de ce soir au Maribel et en tournée dans toute la France en 2016. Ouais. Allez le voir. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. On a essayé de voir un autre axe de ce qui s'était passé. J'espère que on était juste. En tout cas, on a tout fait pour. Merci à tous mes petits camarades autour de la table. On se retrouve lundi avec Charline Vanhoenacker et c'est Patrick Sébastien qui sera notre invité. Ah. Et Thomas VDB va nous faire une actualisique spéciale. On va se régaler. Ça, je suis bien content. Merci. Oui. À lundi. Bon week-end ce soir sur France Inter. Les enfants du Bataclan. Allons, enfants du Bataclan. Merci à vous. Et on termine par les gens qui à Paris vous attendent pour vous offrir un petit verre. Dis donc, je te ferai boire et tu refuses, t'es pas poli. Je dirais même que t'es grossier. Si monsieur me cherche, il va me trouver. Il pourrait même bien prendre une tête dans sa gueule, monsieur.